Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1, la radio qui cultive tes goûts. Et parlant de goûts, vous l'aurez sans doute remarqué, pas besoin de chercher bien loin pour trouver des aliments qui s'affichent santé, que ce soit dans des publicités ou à l'épicerie. Le concept manger santé est omniprésent et pourtant, au fond, quand on y pense, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, c'est le sujet de Karen Gravel, qui est nutritionniste et docteur en nutrition à l'entreprise Papilla. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Donc alors j'ai fait un sondage Facebook en demandant aux personnes de me donner des exemples d'aliments santé, mais aussi d'aliments pas santé. Donc tout en sachant qu'il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Donc on m'a répondu ceci pour les aliments santé. Donc les légumes, les fruits, d'autres ont été plus spécifiques en nommant la pomme, la banane. Aussi des aliments faibles en matière grasse et des aliments de son propre jardin et de sa fermette, comme par exemple, quelqu'un a dit les œufs frais de ses propres poules. Ben ça, oui. C'est santé. Ouais. Ensuite, des aliments pas trop chimiques et idéalement biologiques. Donc, tout ça correspond en partie aux résultats de recherche disponibles sur le sujet, sur il la perception. Il doit y avoir un petit consensus là-dedans quand même. Sur la perception des aliments perception, santé. Ouais. Oui, c'est ça. Où les personnes ont généralement tendance à percevoir les aliments comme santé, les aliments qui ont une bonne valeur nutritive, puis aussi un faible contenu en matière grasse. Et donc, ça, c'est pour les aliments santé. Et qu'en est-il pour les aliments pas santé? Ah ben là, j'ai obtenu plusieurs réponses que je vais qualifier de sucrées et grasses. Donc, bon, les gâteaux, les croustilles, les biscuits, les galettes, les bartons qui ressemblent à des gâteaux. Puis aussi les muffins de cafétéria. Donc ça, c'est pas santé. Ensuite, les croquettes, donc les aliments frits. Une grosse poutine, ça, c'est revenu aussi. Et puis, pour reprendre les termes exacts d'une personne, on m'a dit aussi un gros steak full graisseux. Les aliments transformés, ceux qui contiennent des additifs alimentaires ou encore les aliments qui ont une longue liste d'ingrédients. Mm-hmm. Donc ça, c'était perçu. Ils sont passés par les entrailles de l'industrie alimentaire. C'est ça. Donc, encore une fois, ça correspond en partie à ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique où la perception pas santé se base surtout sur le contenu en calories, en matière grasse et en sucre. Mm-hmm. J'ai aussi reçu d'autres réponses que j'espérais, ben un petit peu en secret, même si toutes les réponses sont bonnes. Mais on m'a aussi dit que un aliment santé, ça n'existe pas vraiment. Tous les aliments sont bons. L'important, c'est la variété et la modération. Donc, cette façon de voir là, ça rejoint exactement la position de l'American Dietetic Association qui mentionne que le fait de catégoriser les aliments comme étant santé ou pas santé, c'est pas nécessairement associé à des comportements alimentaires sains. Donc, tu sais, la façon de voir tout noir ou tout blanc. Ouais. Tous les aliments, autrement dit, ont leur place. Mais c'est sûr qu'on s'entend sur les aliments qui ont quand même une bonne valeur nutritive. Oui, puis là, il y a l'idée de comportement. Il y a l'aliment puisqu'on fait de l'aliment. Oui, oui, parce que là, c'est vraiment la perception. Ouais. Donc, tous les aliments devraient avoir leur place. Par exemple, une réflexion que j'ai fait après, manger des frites une fois par semaine, est-ce que c'est vraiment pas santé? Peut-être pas. Parce que les frites peuvent revenir dans les aliments pas santé. Je crois que ce qui serait pas santé, ce serait d'en manger 5 fois par semaine. Alors là, selon cette perception-là, c'est pas les frites qui ne sont pas santé, mais c'est plutôt la fréquence à laquelle on les mange. C'est une distinction intéressante. Donc, en somme, le concept d'aliment santé est plutôt flou parce que la perception santé vient de la personne et non de l'aliment. Oui, puis c'est ça. Puis la diversité des réponses peut s'expliquer aussi par nos perceptions qui sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, c'est normal, les personnes ne vont pas assimiler et interpréter toutes les informations de la même façon. Aussi, ça prend un contexte à l'aliment pour indiquer s'il est favorable ou non à la santé. Comme tout à l'heure, je parlais un petit peu de fréquence. Mais chaque personne a des besoins qui sont différents, par exemple, selon son état de santé ou son niveau d'activité physique. Alors là, si on prend, par exemple, le yogourt avec 10 % de matière grasse, bien, habituellement, le pourcentage de matière grasse des yogourts se situe environ autour de 2 %. Alors, on peut dire que 10 % c'est beaucoup, même si c'est très bon au goût. Donc, dans un contexte où une personne aurait eu une perte de poids significative et involontaire, là, comme dans le cas d'une maladie, ben, le yogourt 10 % de matière grasse, ça devient un aliment santé pour cette personne-là plus que le 2 % puisqu'il y a une perte de poids importante. Donc, un autre exemple, ce serait le lait au chocolat qui contient beaucoup de sucre. Mm-hmm. Donc, pour une personne qui est sédentaire puis qui boirait du lait au chocolat à tous les jours ou en grande quantité, ben on pourrait dire que c'est pas vraiment santé pour cette personne-là. Mais à l'inverse, si on prend toujours le lait au chocolat puis on a un marathonien qui vient de franchir la ligne d'arrivée, mm-hmm. c'est un aliment qui est très santé et génial parce que ça va, ça contient beaucoup de sucre, des ouais. protéines aussi, dont le coureur a besoin là, pour faire ses réserves ouais, c'est après ça. La longue course. C'est vidé un petit peu, il faut qu'il se remplume un peu. Donc, oui. Et est-ce qu'on sait si les pets, on a parlé un petit peu oui. là, finalement, est-ce que les perceptions varient selon les caractéristiques des personnes? Donc là, tu as dit selon finalement qu'elles ont été malades ou qu'elles ont fait de l'exercice, oui. mais est-ce que ça varie si c'est un homme ou une femme? Oui, en fait... On parle bien de la perception, là, pas du besoin, oui, mais de la oui, perception. Vraiment, c'est... la perception, c'est ça. Donc, toutes les personnes ne vont pas accorder le même niveau d'importance à l'information nutritionnelle, notamment. Et ça, ça peut influencer là, leur perception des aliments. Donc, dans la littérature scientifique, ce qu'on retrouve sur le sujet, c'est que les femmes rapportent lire plus souvent les étiquettes des aliments que les hommes. Et elles disent aussi mieux s'y connaître en matière de nutrition mm-hmm. et de santé. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Les études. C'est rapporté, c'est ça. C'est pas mesuré, c'est rapporté encore une fois, ouais. c'est la perception. Donc, les femmes vont surtout s'attarder aux calories et aux matières grasses pour évaluer si un aliment est bon pour la santé ou approprié pour le contrôle du poids corporel. Alors que les hommes, eux, vont aussi s'intéresser au contenu en vitamines et minéraux mm-hmm. davantage que les femmes. Ah oui. Mm-hmm. Donc, la préoccupation ouais. importante des femmes à l'égard du poids corporel va donc se refléter dans leur façon de percevoir les aliments. Donc, c'est ce qui va davantage ouais. les préoccuper. Donc, elles les perçoivent ouais. plus comme ouais. ça. Et mm-hmm. donc, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que les perceptions changent aussi avec selon le poids corporel? Une personne, bon, un peu grassette, une personne en sous-poids, est-ce oui. qu'elle va percevoir les... Les aliments différemment? En fait, selon les résultats scientifiques, on voit que les personnes qui sont en surpoids ont généralement davantage tendance à se préoccuper du contenu en sucre et en matière grasse pour évaluer si un aliment est santé mm-hmm. ou s'il est approprié là, pour le contrôle du poids corporel comparativement à des personnes là, qui ont un poids normal. Donc, ça semble plausible si on considère que les personnes en surpoids peuvent être plus susceptibles de vouloir maigrir. Ouais. Donc, on va s'attarder davantage à mm-hmm. cette information-là. Et c'est un peu aussi la même chose pour les personnes qui suivent une diète amaigrissante. Elles sont davantage préoccupées par le contenu en sucre et en matière grasse des aliments comparativement aux personnes qui ne suivent pas de diète. Et encore une fois, ça semble logique puisque les diètes amaigrissantes ouais. Limitent ou interdisent souvent les aliments gras ou sucrés. Et ça peut donc rendre les personnes à la diète plus intéressées à ce type d'informations mm-hmm. Nutritionnelles. Mm-hmm. Donc là, toutes ces réponses-là qu'on fait, qu'on trouve dans la littérature et qu'on fait aussi oui. Tes petits amis Facebook... oui. Donc, ça nous donne une idée de ce que c'est que la perception santé des aliments, mais on peut aussi appliquer une définition plus globale sur ce qu'est manger santé. Oui. Donc là, on ajoute le comportement, oui, l'acte, oui. l'acte de manger. On entend souvent cette expression-là. Ouais. Hein. Donc, j'ai aussi, oui, sondé mes amis pour connaître leur définition là, de ce concept-là de manger santé. Donc, encore une fois, j'ai obtenu des réponses comme manger équilibré, c'est-à-dire manger de tout mais sans excès. Rencontrer ses besoins en nutriments essentiels comme mm-hmm. Atteindre ses recommandations en vitamines et minéraux. Et dans ça, on est encore beaucoup sur la valeur nutritive, mais on a aussi manger des plats cuisinés à la maison, manger le moins possible de produits transformés, manger quand on a faim. Donc ça, c'est mm-hmm. intéressant aussi parce qu'on est vraiment sur le comportement. Ensuite, s'inspirer du guide alimentaire canadien, des quatre groupes alimentaires. Et d'autres réponses qui rejoignent bien aussi ma pensée, manger santé, c'est manger selon nos goûts, notre appétit et notre plaisir. Mmh. Ou encore, manger d'une façon bénéfique pour notre corps. Donc, se sentir bien ah oui. finalement, ouais. c'est ça aussi, manger santé. Ouais. Donc, ce sont des réponses variées que moi, je considère très intéressante. D'ailleurs, je remercie beaucoup mes amis d'avoir répondu parce que les aliments et le contenu de notre assiette sont très importants, la valeur nutritive. Mais là, ces réponses-là, on va au-delà de la valeur nutritionnelle. Donc, on sort de l'assiette. Donc, on voit l'alimentation de façon plus globale. On considère aussi ses préoccupations, ses valeurs et l'environnement des personnes qui mangent. Donc, tout ça correspond à certains écrits scientifiques qui mentionnent qu'un seul aliment ou un seul repas ne peut pas à lui seul contribuer à améliorer ouais. la santé ou à l'inverse poser un grand risque. Donc, le message à retenir, c'est que c'est l'ensemble de l'alimentation des personnes qui doit être considérée afin de pouvoir juger de sa qualité. Puis c'est ça qui est santé, ouais, finalement. Oui, d'accord, c'est vrai. Donc, pour résumer aussi, ben, la santé est dans la diversité, oui, aussi. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci. Et puis, pour en savoir plus, ben, on peut retrouver sur la nutrition, on peut retrouver des informations sur le site, sur ton site, le site de Papilla, oui, papilla.ca. C'est ça. Merci. Karine. Donc, petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on reste dans le domaine de la santé. On vous parle du Tylenol.